9:25 observation, pleuvoir, pleurer. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, comme disait Verlaine. Pleuvoir, il pleut. Pleurer, je pleure, tu pleures, elle pleure, il pleure, nous pleurons, vous pleurez, il pleure. Pleurer est un verbe en er, tout à fait régulier. Pleuvoir n'est utilisé qu'à la troisième personne du singulier. Dans « il pleut », « il » ne représente aucun nom particulier. C'est un pronom impersonnel, comme dans « il faut ».